Vendredi le 30 décembre 2016. Monte le volume et hume la différence et c'est parti. Mais chez enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Hey, imaginez-vous, hey! Tu commences, Reynald, là? Sois plus proche de ton public. Ben oui, mais c'est eux. Quoi, c'est eux? C'est eux qui reculent. Ben non! Ben non, il est là, tout près de toi, autour de toi. En avant, en arrière, par-dessus, par-dessous. Ton public est partout. Partout où tu le veuses. Ne le cherche pas, il est là. Bonjour à vous, comment allez-vous? Heureux de vous voir heureux. Ah, il y a des moments difficiles, il y a des moments moins difficiles. Il y a quelques fois où ça glisse. D'autres où ça freine, ça manque un peu d'huile, d'huile rénaldienne. Et j'ai tellement de choses à vous raconter. On va commencer par la fin. On commence tout le temps par le début. Avez-vous remarqué ça? Il y a déjà des expressions préfabriquées. On va commencer par le début. Mais non. Momento, ça ne commence pas par le début. Fiction pulpeuse, ça commence pas par le début. Il y en a! Les films les plus intelligents commencent pas par le début. Ça commence par un moment donné et ça se rattache par la suite au début où peut-être on va comprendre ce qui s'est passé pour en arriver là. Alors, mon émission, c'est un peu comme ça depuis Belle Lurette, Lilola, la Lulette. Hello, la, la lulette, j'aime la scénérie, j'aime la scénérie. Ah, mais non, c'est belle, comment c'est bête, me le dise, homme zingue, l'homme zoomme, l'homme zingue, l'homme zingue, l'homme zingue, l'homme zingue, l'homme zingue, mon Dieu. Oh, Dieu, t'es pas tout seul. Arrête de te répandre. Arrête de te brinque-baller. Brinque-baller? Je me brinque-balle jamais, moi. Surtout pas en hiver. Imagine-toi pour le fessier, le trou de pète. Ça risque d'accumuler un gel. Et c'est quand ça fond que là, t'as l'air ridicule, comme toute mon existence a été ridicule. Imagine lorsque je serai alité devant ma réalité. Couché, sans doute, alité. Hein? Moi, j'aimerais ça être alité sur le dos et non pas sur le ventre. On sait pas. Peut-être qu'il y a des tiges qui vont me tenir par le... Mais c'est bon, écoutez. On s'en pose-tu des questions? Puis là! Des questionnements. Parce que t'as été tellement cave dans ta vie, tellement imbécile, tellement fermé à ce qui allait arriver, parce que ça doit arriver. Tu t'es jamais posé cette question-là. Ah, moi, j'avais pas le temps, moi. Ben non, moi, j'ai eu trois épouses. C'est ces belles épouses-là que j'ai tellement aimées. tellement adoré. Mais ils ont eu des enfants. Mes enfants. Donc, tu dois élever ça, ces enfants-là. Là, ça vient pas au monde avec comment vous appelez ça, madame? Un manuel. Moi, je l'ai vu la troisième, mais c'est pas trois dimensions. Emmanuel, hein, c'est de l'arnaque. Toujours de l'arnaque. Notre société nous arnaque. Tabarnouche! On a naturellement de se faire arnaquer, madame Thibodeau! Fait que c'est ça. Moi, j'ai vécu trois femmes, ben des enfants. Donc, pensez-vous, je réfléchis sur l'existentialisme. Croyez-vous que j'ai eu des moments de lucidité pour comprendre mon environnement? Croyez-vous que pendant toute ma trajectoire, je me suis placé à cet instant ultime où le tremplin est là pour m'amener dans le néant? Croyez-vous que moi, pauvre travailleur au salaire moins que minimum, à passer des articles. T'sais, moi, j'ai des items. J'en ai-tu passé des items dans ma vie? Ah, des items, items, pas items. C'était comme une marguerite. Hein? Items, items, pas items, items, pas items, items, pas. Mais au bout du compte, items tous, moi. Items tous, qu'ils soient petits ou grands, cheveux raides ou frisés, j'ai toute envie de vous embrasser. Mais hélas que Dieu me pardonne, mon cœur n'appartient à personne. Mon cœur, il est fou et tétonné, jupe en ébraquant. Avez-vous déjà vu récemment le look de Serge Lama, récemment, là? Il m'a piqué l'idée, là. Je l'avais avant, cette affaire-là, là. La petite barbichette en haut, en l'air, puis la petite moustache, le narnagnan. J'étais narnagnan avant le narnagnan. Non. Lui, pendant sa vie, il s'est pris pour qui? Pour un gars qui a toujours cherché son ballon. Je n'ai pas eu de ballon rouge quand j'étais gosse dans mon quartier. Non, il a mal trouvé. Puis il a fait un succès là-dessus, sur sa petite misère, là. Rien ne bouge, toutes les coins étaient crevés. Puis là, tous ces amours, là. Puis aussi des choses. Femme, tu sais, des affaires rigolotes, là. Oh! Quand Jacques Brel a su, il était presque à la toute fin de sa vie, que Lama allait faire un album pigeant dans son répertoire brélien, il a bien rigolé. Il a dit: oh, très loin de mon style. Quoique. Bon. Et puis, non, je vous dis que je ne sais pas s'il va faire un genre de marquise à la fin de sa vie, M. Lama, là, mais nouveau look, là, un look que, amenez-en des épées, là, amenez les gonzesses. Il est toujours prêt, ce gars-là. 60 et... Non, je ne sais pas. L'amour n'a pas d'âge. Et ce que je voulais vous raconter, c'est que... Ah oui, ça, c'est rigolo. Malheureusement, Leonard Cohen est décédé au début de la deuxième semaine du mois de novembre. Donc, vers le 10. Attendez, là, on va regarder ça. Là, le 10. Donc, j'apprends ça parce qu'une amie m'envoie un SMS sur mon cellulaire. Parce qu'il y a des gens autour de moi qui me connaissent et qui savent très bien que du lundi au vendredi, de 15h à 23h, je bosse, je travaille. Donc, je n'ai pas accès aux infos les plus récentes. Et j'ai des douces créatures, des intellectuels, bien sûr, de gauche. Mon troupeau, quoi. Mes allégeances. Puis, eux, s'ils se sentent touchés, ben, ils se disent: Reynald aimerait bien savoir. Et c'est vrai. Donc, je reçois un SMS: Leonard Cohen est mort à 82 ans. Il venait de mourir. Donc, là, bien sûr, je suis comme le saule pleureur. Je réalise à peine. Et là, je m'en vais voir la caissière parce que nous travaillons à deux, moi au plancher et une dame à la caisse. 55 ans, la dame. Et je lui dis, tu sais ce qui est... Tu sais? Elle dit quoi? Elle dit quoi? Pardon! Elle dit pas pardon, elle dit quoi? J'ai dit tu sais? Tu sais? Tu sais? Tu sais? Oui, tu sais. Qu'est-ce que j'ai? Non, non, pas tousser. Tu sais. Ah, oh, tu sais, tu sais. Tu sais, oui, je sais. OK. Est-ce que tu connais Leonard Cohen? Ah, oui. Je vous jure que c'est vrai. Je lui demande si elle connaît Leonard Cohen. Elle dit, oh, oui, ça, là, oui, c'est le dernier couleur, là. Elle croyait que Leonard Cohen était une boisson alcoolisée que l'on venait de recevoir. Elle me pointe le frigo de boissons alcoolisées. Et là, je lui dis non. Mais non, j'ai dit non, c'est pas ça. Ben, elle dit c'est quoi, Leonard Cohen? Mais non, on dit pas c'est quoi, on dit c'est qui? C'est quelqu'un. C'est un chanteur, auteur, compositeur, interprète, poète, montréalais. Alors, je connais pas ça. Puis, comme cette dame-là me transporte, j'embarque dans son véhicule et elle me laisse à deux arrêts pour prendre l'autobus. Et quand tu rentres dans sa bagnole, eh bien, ce que tu remarques, c'est que Garou est diffusé. Mario Pelcha est diffusé. Pascal Obispo est diffusé. Florent Pagny est diffusé. Johnny Hallyday est diffusé. Bref, sa radio a un problème merdique! Pas nordique, merdique. Quoique les Nordiques, actuellement, ils sont très pauvres. Hein? On s'imaginait qu'en supplémentaire, ils auraient pu envoyer la rondelle dans le filet, mais le filet n'était pas là. La rondelle non plus et les Nordiques inexistants. Donc, on attend encore le pointage. Ça va nous venir, là. Découragez-vous pas. Il est quoi? Minuit. Non, c'est pas là. Minuit nordique, c'est l'heure solennelle où la rondelle s'enfilera dans le filet. Pour attraper des tas de poissons volant la chandelle. Non, mais écoute, comment ça nous a coûté à Québec d'avoir un genre de pipi théâtre, là, un gros carton où on enferme la plupart des... Non, je vais rester gentil, là. Et la plupart de certains... Pink Floyd, il n'est jamais passé, là, encore. Dieu merci. Qui j'ai vu là, moi, là? J'ai même pas entré dans cet édifice. Ils savent très bien, je suis sur la liste noire. Rénal Gagné égale violence, donc il va arracher toutes les mains. Il est pas capable d'endurer autant d'insignifiance, lui. Là, il y a comme la mèche courte et le rebord qui déborde. Là, si j'ai un son comme ça, c'est parce que j'ai trop postillonné dans le micro, puis on dirait que ça... Comme mon scooter, il va prendre le micro va prendre en feu. Ma vie est une flamme. Un jour, elle s'arrêtera. Et comme j'ai déjà dit, je suis 500% extrémiste. Je voudrais avoir 18 ans pour vivre une vie à New York. Pierre Paolo Pasolini, le grand Paolo. T'es qui? Pardon? T'es qui? Pierre Paolo Pasolini. T'es qui? C'était nous, là. C'est un auteur, compositeur, interprète, compositeur. Mais non, ouais, c'est pas vrai. Juste pour savoir si vous suiviez. Madame Thibaudot a arrêté de tricoter. Elle dit, hein? Auteur, compositeur, interprète. Pierre Paolo Pasolini! Qu'est-ce qui arrive avec mon bon Paolo Noël? Tangue tout le long de la rivière. Vague, vague, mon joli petit bateau. Vague, vague, tout le long de la rivière. Vague, vague, mon petit crapaud. Mais non, c'est pas Paolo Noël, c'est Pierre Paolo Pasolini. Pasolini. Connaissez pas Pasolini, vous? Dans quel moule vous avez-vous été moulé, vous? Voyons donc, réalisateur de cinéma. Poète! On sait pas, on savait pas que c'était un poète. Là. Pendant mes errances rénaldiennes à Paris, on a rencontré des Français. On est là pour rencontrer des Français. Puis là, tu te dis, voyons donc, c'est la marmite de la culture là-bas, là. Il y a un chanteur qui savait même pas, un chanteur, compositeur, interprète, qui savait même pas que Paolo était poète. Moi, avant de le connaître comme réalisateur, parce que j'ai fait bien sûr des études en... Excusez-moi. J'ai fait des études en création littéraire, philosophie, et également en études cinématographiques à l'université... Pardon? À l'université. Oui, madame. Oui, madame. De Coninck, petit prince de Saint-Exupéry. De Coninck, petit prince. Suivez les émissions, écoutez-les en rafale. C'est dur, en rafale, c'est pas facile. Oh! Déjà là, 2 heures, là. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, 2 heures, là, du rétroactif, ça peut faire souffrir son contribuable. Mais Pasolini n'était pas seulement un éducateur. Hé, attendez, là, j'ai passé une phrase que j'ai voulu. Non, oui, OK, on y va. Avant tout, la voix. Entendre la voix de Pasolini est toujours une émotion singulière, un privilège pour celui qui l'entend et qui se renouvelle à chaque écoute. Cet entretien de 1969 en est la preuve. Pierre Paolo avait une voix suave, musicale. Il semblait effleurer les mots pour les offrir avec grâce à ses interlocuteurs. Je l'avais, c'était tellement beau. On allait m'engager pour faire de la lecture pour les enfants préscolaires. Les enfants, on va faire une ronde, on va faire une ronde. Pas carré, une ronde. Oh oui. Allez, Tiki Germain, fais ta ronde. Ronde. Oui. Vas-y. C'est beau. C'est une ronde. Avant tout, la voix. Entendre la voix de Pasolini est toujours une émotion singulière, un privilège pour celui qui l'entend et qui se renouvelle à chaque écoute. Cet entretien de 1969 en est la preuve. Pierre Paolo avait une voix suave, musicale. Il semblait effleurer les mots pour les offrir avec grâce à ses interlocuteurs, avec la fraîcheur de la rosée. Quelque chose comme... Oui. Quelque chose comme un parfum ou une saveur proustienne par laquelle on redécouvre ce qu'il y a en nous de plus vivant et de plus vrai. Celui qui... comme moi, a eu un jour la chance d'entendre Pasolini, dit « Oui, vous avez raison, madame. » Parce que celui qui, comme moi, a eu la chance d'entendre Pasolini dire sa propre poésie, c'est de quoi je parle. Par cette façon de s'exprimer sereine et réservée, cette voix toute légère, Pasolini exposait des idées et des sentiments profonds, aussi intenses que percutant d'une incontestable logique qui déroutait l'interlocuteur. C'est un extrait bref Mais comme tous les extraits, mon petit guignol, c'est un peu bref, hein? L'extrait n'est pas de longue durée. Sinon, ce ne serait pas un extrait. Hein? Regarde-moi le puriste. Il y en a des puristes, hein? On les aime de même, hein? Ils frappent comme ça. Non, mais M. Gagné, il faut savoir reconnaître les mots. Bref, ce n'est pas s'étaler sur un discours. Bref, c'est être concis. En parlant de concision, j'ai une histoire à vous raconter. C'est un médecin. J'ai déjà sans doute balancé à mon émission il y a quelques années. Quand vous entendez, c'est parce que je monte sur mon siège. Je descends tranquillement avec... Avec le temps, va, tout s'en va. Même nos plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules. Dans la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Mais là, c'est pas le temps encore. Là. C'est que mon oncle Renal va te raconter une petite anecdote. Très savoureuse. En tout cas, très rigolote. À ma façon. À ma façon. C'est à ma manière. Alors, c'est l'histoire d'un médecin. C'est l'histoire. Pas l'histoire. C'est l'histoire d'un médecin qui est spécialiste dans la circoncision. Mais là, ça va tellement bien, son entreprise, qu'il s'est déjà préparé deux cliniques. Une à côté de l'autre, puis la sienne permet de voir l'autre médecin qui est à venir. Parce que là, ça fonctionne trop bien, puis il faudrait que j'appelle quelqu'un pour m'aider. Si c'est comme ça, l'argent va rentrer inévitablement. Ça va couler comme de la source pure et heureuse sur mon compte de banque qui en demande tout le temps pour être heureux. C'est ce que la société me dit. Donc, je connais le grand médecin asiatique qui fait des circoncisions exceptionnelles, qui est reconnu dans le monde. Mais là, il faut que je l'appelle. Il est à Tokyo. C'est Hank Ting Pong Kang Ting. Alors, il l'appelle. Monsieur Ting! Parce que c'est. Ça finit par Ting. Monsieur Ting! Oui, que te fait Ting! Monsieur Ting, je vous appelle de Québec. Que te fait Ting! Oui, monsieur Ting! Ting! OK. Pouvez-vous venir à Québec? Parce que moi, j'ai ouvert. Non, mais parce que les gens qui me disent, là, ben, tu parles en français, ils ne comprendront pas. Oui, il y a un interprète. On a un moyen financier, on a des interprètes. Fait que pendant ce temps-là, ils traduisent. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai ouvert. Ben, oui. Interprète, ça n'existe pas, ouvrir. Ouvrir. Oui, je suis québécois. Ben, certain, je ne maîtrise pas ma langue. Ben, non, c'est pas. Exact. Oui. D'accord. Je parle lentement. Je n'ai pas de vocab. Je suis un. Bon. Alors, Monsieur Ting. Je sors de Ting, Ting. Non, c'est pas lui. C'est Monsieur Ting. J'ai deux bureaux dans mon état. Non, deux bureaux, deux cliniques. C'est une clinique, c'est pas physique. Deux cliniques. Et puis moi, j'en occupe une. Et je dois trouver un autre médecin qui exerce d'une manière extraordinaire la circoncision. Pouvez-vous venir au Québec, à Québec plus précisément? Je vais vous payer convenablement. Fait que hey, là, ting, il se tenait plus. Il s'est retrouvé à Québec en même pas 48 heures. Alors, le médecin lui présente son cabinet, lui montre son cabinet à lui. Hein? Il regarde, moi, ça fonctionne comme ça, mes instruments sont là. Et mais là, nous allons aller dans votre cabinet, M. Ting, Dr. Ting. Alors, ils sortent à l'extérieur. Puis en plus, il lui dit, par ma fenêtre, je vais vous observer. Puis ça va très bien, très bien, très bien aller, très bien rouler. Ne vous en faites pas. Toujours l'interprète qui est là. Hein? Et puis, fait que là, il payait le médecin, puis il payait aussi l'interprète. Mais l'interprète, là, elle s'appelait Nathalie, Nathalie. Oui, ting, ting, ting, ting. OK, en tout cas. Et puis, donc, il s'installe déjà. Il lui montre ses instruments. Vous allez prendre ça. Puis là, hey, là, il y avait déjà 50 personnes du côté du Québécois, du médecin québécois. Alors là, il sort à l'extérieur. Il dit, écoutez, j'ai un autre médecin, un professionnel asiatique. 25 chez moi, 25 chez lui. Puis, on va passer ça au fur et à mesure. Donc, plus la journée hein, roulait. Puis... Alors, lui, le médecin québécois, vérifie par sa fenêtre, mais il y en a quand même 20 qui sont là. Puis là, lui, il exerce. Hein? Bon, il coupe. Même pas sur le budget. Il coupe pas sur le budget. La facture est quand même salée, mais il coupe les petites peaux. Bon, les petites peaux. Puis là, à un moment donné, il regarde. 5 minutes après, il n'y a plus personne au cabinet de M. Tink. Il dit, oh, ouais, je le paye grassement avec son interprète. Je vais aller voir ce qui se passe. Fait que là, le médecin il sort de sa clinique, entre dans la clinique de l'autre, de M. Ting. M. Ting, on va prendre un petit drink et on va parler un peu d'affaires. On va parler. On aime ça parler, nous, les Québécois. Même si ça sert à rien, on aime ça parler. On aime ça. On aime. On aime perdre notre temps. Bon, mais moi, je veux pas le perdre parce que je perds de l'argent. Comment ça? Je vous en ai envoyé la moitié. Monsieur Ting! Puis là, il n'y a plus personne chez vous. Il dit, montrez-moi donc, parce que le médecin québécois, il est quand même curieux. Montrez-moi donc votre fonctionnement auprès de nos bénéficiaires, non, auprès de notre clientèle québécoise. Il dit, oui, pas problème. Fait que là, il n'y a pas d'interprète. Là, il retrouve hein, sa langue francophone, hein, parce qu'il y avait option français dans son cours de médecine. Donc, il se souvient de son option français. Alors, pas compliqué. Moi, plan plus. Qui m'a voulu raconter? Pas très compliqué. Il comprend pas pourquoi il n'y a plus de personne ici. T'es gentil, moi, là. T'es charitable. Comprends le Québécois. Comprends la personne qui cherche à se débarrasser de petits bouts qui nuisibles. Je comprends tout, moi. Mais je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de personne à moi. Mais je vais vous expliquer clairement ce qui se passe. Dans ma vie, mais pas dans ma vie, mais dans mon exercice, dans la façon que je procède pour couper Plébus. Hey, là, c'est important, là. Montez le son de la radio, parce qu'il va dévoiler. Alors, je laisse pas le client mal de préférence. Oh, parce qu'au Québec, même les femmes... Oui, les femmes, ils tombent, ils coupent, mais en tout cas... Non, mal, monsieur, jeune homme, plan plus, place sur la plaque métallique, la peau, étire la peau par les doigts, et là, je fais... Pas pire, hein? D'accord. Là, j'ai arraché 3-4 radios, là, les oreilles ont saigné. Fallait le faire demain. Non, fallait le faire avec autant d'intensité. C'est mon côté, comment il s'appelle? De Niro. Mon côté de Niro. Alors, Monsieur le Président, le chien a jappé, le petit Benjo a jappé. Les ambulanciers arrivent, la police aussi. Ils vont m'embarquer. Donc, mon émission se termine dans quelques secondes. Non. Si les policiers doivent trouver, parce que le GPS de la police, là, moi, avec tout mon système sonore, ça débrouille. Moi, j'embrouille pas, je débrouille. Je le débrouille. Vous allez me dire, oui, mais s'ils débrouillent, ils vont vous saisir bien plus rapidement. Non, non, non, non, non, non. L'intérieur, ça débrouille, mais l'extérieur, ça rebrouille. Compliqué, ça, là, là. C'est comme des va-et-vient. C'est comme un... Vous savez, là, la mer. Lorsque vous allez à la mer, M-E-R, il y a des vagues. Il y a d'autres vagues. Puis il y a des vagues qui étouffent les autres vagues. T'en vas surtout pas. Quand le... Merci. Ça, c'est mon expérimentateur. Peux-tu faire ça avec un 25 cents? Ça doit faire un son bizarre avec de la monnaie. J'ai demandé au peintre monnaie, t'as-tu de la monnaie? Et il dit non, j'ai des pinceaux. Non, mais on a du plaisir. Là, c'est avec un 2$. Gaston, il a fait le funky son. Et saviez-vous, en parlant de Cowan, parce qu'au début, hein, Cowan le Cowler, la boisson alcoolisée, qui était le colocataire dans les années 80 de Leonard Cohen? Monsieur? J'entends frapper! Oui, Pagliaro et Cohen logeaient sous la même enseigne, dans un appartement. Et c'est de là, sans doute, que mon ami, c'est qui ton ami? Mais mes deux amis, Cohen et Pagliaro. Pagliaro a écrit « J'entends frapper », ça. C'est sans doute à cause des conquêtes amoureuses de mon ami Cohen. Le mur, là, hein? Ah, j'entends frapper! Hein, ça... Non, mais c'est quelque chose d'intéressant à savoir, à connaître, à divulguer pendant la période où on se rassemble pour mieux se... Pour mieux. On se rassemble pour mieux se trouver seul avec soi-même. Excuse-moi, Réginal, Louis, Simone, Carlos, Santana, je sais pas, j'ai trop mangé de macaroni. Mon macaroni, je pense que c'est la mayonnaise. La mayonnaise a macéré trop longtemps. Là-bas, ils ont mis ça là-dedans, puis le punch, tout le monde était dans le punch, puis le mayonnaise. En dessous de la lumière, ils ont mis une salade de mayonnaise. Pour rendre le... Ouais, c'est pour ça. C'est pour rendre malade le... Ouais, c'est pour rendre malade. Je vais aller me retirer dans le cabinet des anciens. Est-ce que je... Bon, mais il est trop tard. On va parler, là. On va chercher la discussion. Hein. On va bosser de la chenoute. C'est déjà... Oh, ça va bien. Là, mais je me sens soulagé. Soulagé, puis j'avais une petite fraîcheur au niveau de la... Ah, oh, puis là, c'est... On dirait ça, hein? Regarde-moi l'autre, il parle du mus. Du mus? Ah, du mus, j'en ai du mus. Hey, moi, je travaille, là, écoute, avec mes bois, mes bras, mon intelligence, je le mets de côté. J'en ai pas trop, fait qu'il n'y a pas grand-chose à mettre dans... en récupération pour reprendre après, là. Comment dans... Ouais, c'est quand on va voir une pièce de théâtre. Moi, je vais au théâtre une fois par semaine. Là. C'est quoi? C'est aux salles de... Non, des gens qui vont placer leur linge, là. La lingotière. Ben voyons donc, c'est pas une lingotière. Regarde, un imbécile, il est heureux. Lingotière. Arrête de me souffler des conneries, toi. Là, comment? Exactement. La demoiselle au manteau. On va l'appeler la demoiselle au manteau. c'était pas un manteau, mais c'est la demoiselle. La demoiselle, avec ou sans manteau. Elle n'a pas de manteau, là. Elle est décolletée pour avoir plus de pourboire. Plus elle est décolletée, là, plus à quoi avoir de pourboire. Mais là, pour avoir du pourboire, il faut voir. Si tu ne vois pas, il n'y a pas de pourboire. Ouais, je laisse ça, là, mais moi, je vais voir l'orchestre symphonique. Hein. C'est, ouais, c'est l'oratorio de Gilbert Bécaud. Ouais, exact. On entend ma barbe, hein? En si bémol. Ouais, mais j'ai de la conjonctive. Ils m'ont fermé les rideaux, là. L'iris, ça fonctionne. Ah, iris. Oui, ma petite madame. Ouais. Mais je sais que vous avez travaillé fort. Mon mari m'a dit, il y a une belle pitoune. Je vois, moi, écoute. Écoutez, madame, moi, j'ai un grand respect pour les dames qui veulent avoir des sous par leur propre beauté, moi. C'est pas parce que j'ai l'air de rien que je veux pas que les femmes, en général, aient l'air de tout, là, mais continuez votre beau travail. À 80, on verra. Ah! Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rédalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme. Mais avant, j'ai le goût de vous faire écouter une chanson que mon ami a traduit. Et je suis pas certain, peut-être même composé. Adieu, monsieur, tout est fini. Quitte-moi et refais ta vie. Je préférais la fleur des champs. Toi, le soleil de ces dents. Monsieur, tu n'es pas fidèle à ce qu'on disait mes amis. Il faisait bon dans le logis. Adieu monsieur, j'avais du cœur et là de chant un tracteur. Et moi je n'ai que mes deux mains pour semer le vent et le grain. Adieu monsieur, pendant que moi j'irai voir pousser les graines. Adieu monsieur, tout est fini. Adieu l'enfant, tu pars aussi. On dit que la ville c'est mieux qu'ici. Tu pourras avoir des voitures comme dans les livres d'aventure. Je n'ai qu'une enfant, c'est ma terre. Elle est à moi, elle me connaît. Quand elle danse sur les galets, elle fait dire la dire la dada. Pour le furet file la vague. Je vivrai dans un monde d'algues. Qui fait dire la dada. Adieu l'enfant. Je vais vous faire entendre une interprétation assez exceptionnelle d'une dame que je... à qui j'ai essayé d'envoyer des missives pour la rencontrer en 2016, mais des amis de ses amis lui ont annoncé mon arrivée et lorsque j'étais à Paris, elle voulait me rencontrer en 2016. Mais je ne pouvais pas parce que tout était bien rempli de rencontres. Donc en 2017, nous ferons cette discussion-là. Donc, en 2017, nous serons avec Armande Alquet, une dame assez d'exception que j'ai connue sur France Inter à une émission qui était diffusée les fins de semaine par un animateur qui n'a jamais voulu me voir, donc je tairai le nom. Et donc, mon intérêt, c'est de vous proposer quelque chose de très, très singulier, comme CKRL nous offre cette grande chance de vous faire entendre ce genre de musicalité-là. Ben, écoutez, on s'en envoie la mesure dès maintenant. Vous allez voir. Vous allez voir, surtout entendre, mais votre cortex. Et moi, j'ai un confort, mais un cortex. Oui, un cortex cérébral. Oh oui! OK. On veut rapidement là, faire des liens. Ben, écoutez, peut-être notre Québécoise Diane Dufresne. Attention, chute dehors. te revoir. Mieux que quand c'est ouvert. Armand Altaï, un mélange de Nina Hagen, de Diane Dufresne et de Kate Bush. Aujourd'hui, le vendredi 13 décembre. 13. Hey, oui, enlève le 1, mais rajoute un 0, mon ambiance. Pardon? Je disais que Armand Altaï est un heureux mélange de Nina Hagen, Diane Dufresne et t'allais dire Tori Amos, hein? Non, pas du tout pas Tori Amos. Non, Kate Bush. Bush, Kate Bush. Aujourd'hui, le vendredi 30 décembre 2016, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Quoique l'école, c'est un petit congé. Un congé obligatoire pour des conneries provisoires. C'est des conneries! Le troupeau, ah ouais, c'est le troupeau, ah ouais, allez-y, troupeau! 25-31, troupeau suivi. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe, tirant le long du malulette. C'est comme ça que ça se passe, on va chanter fleurette. Avec Boris Bergman. Mon ami Boris est originaire de Russie. C'est un Russe né à Londres. Le 31 août, comme mon père, 1944, mon père c'est 39, est un parolier, écrivain, acteur et dramaturge britannique. La différence, c'est que mon père est décédé et Boris est bien vivant. Il est notamment connu pour être un grand parolier des chansons à succès dans sa période 80-90, mi-90. On dit ici, notamment connu pour les premiers succès d'Alain Bachoun. Rio Grande, c'est tout à fait Boris Bergman, un album exceptionnel. Et c'est par Rio Grande que j'ai connu Alain Bachoun. Pas la chanson de Rio, Rio Grande. Non, ça c'est Eddie Mitchell. Ne confondez pas Eddie Mitchell puis Alain Bachoun. Quoique c'est de la chanson, exactement. Francophone, vous avez raison. C'était crooner dans d'autres directions. Il y a un gauchiste et un droit. Un gars de la droite, un gars de la gauche. La gauche, c'est Bachoun. La droite, c'est Mitchell. Il est arrivé en France avec ses parents à 14 ans. Ça, c'est Boris. Il nous l'a raconté la semaine dernière. Il nous fait la suite cette semaine. Écoutons-le avec une grâce des plus extraordinaires. C'était merveilleux lorsque je l'ai rencontré. Un homme plein d'humanité. C'est rare en 2016. Et j'espère que ce sera mieux en 2017. Mais c'est pas vrai. On se fait croire des choses. Alors de Pierre Paolo Pasolini à Boris Bergman. il y a un lien. La création. Bonne soirée. La dernière de l'année. On y va? Êtes-vous prêts? Attachez-vous, Madame Thibodeau. J'ai bien vu que vous étiez très relax dans votre sofa. Vous l'avez acheté? Ah oui, okay. Ah, c'est berçant. Puis en... Non, mais c'est une dame très prudente. Parce qu'il y a des qui bloquent. Ouais, il y a des sofas qui bloquent. Ils n'ont pas le bloc. Oui, demain, vous allez avoir le bloc, Madame Chose. Ah, moi, je vous vois là, aller, là. Votre verre d'eau, là, la glace, là, avec des mais oui. Vous avez des petites fraîcheurs au nid. Vous avez jamais vécu ça depuis 20 ans, hein? Oh! Oui, madame, c'est comme ça que ça commence. Ah! Oh. Il y a des numéros, là, si vous voulez, à vous, hein? Vous laissez aller. Oui. On appelle ça les gigolos. Gigolo. I want the gigolo. Wonder when I know. Mais là, c'est Boris. Boris, maintenant. Oh, comme en rose. Bene va bene, Benelux. La vie en rose, on n'a pas autre chose. Gratte-moi la jeune puce. Elle fait l'amour qu'à Dieu, elle fait ça qu'avec God. Confessez-la, confessez. Car le bord de l'angoisse est toujours prohibé. Vais-je bien monter, dis. J'entends des voix de velours. J'attendrai ton retour. J'aurai se décommander. Pas d'autres chats à fouetter. J'en ai les balles masquées. René va renégocier. On se fait des bises sur le Titanic. Entends-tu mon ukulélé? Dansant sur des tweets sous mon nez. Détruit, détruit. Le Paso va doubler. Le Paso va doubler. Paso doublé. J'm'en à l'envers au fond de la vallée. Par commander, dis-moi. J'entends des voix de velours. Dis-moi. J'attendrai ton retour. Zorro s'est décommandé. À d'autres chats à fouetter. J'en ai les balles masquées. René va renégocier. Tout n'est pas rouge chez les flamants roses. Bene va bene Benelux. Plus un mot d'elle déchirait le bouc. Demain il me les faut toutes. Le mousse avait la barre avec un chalumeau. Plus jamais désarmés. Et le port de l'angoisse est toujours prohibé. L'ai-je bien monté, dit Martin. J'entends des voix de velours. Martin, j'attendrai ton retour. Zorro s'est décommandé. À d'autres chats à fouetter. J'en ai les balles masquées. René va Gilly, Gilly, coucou de contrebande. Ça sun comme la lèvre d'un devant. Gilly, Gilly, passez le Rio Grande. Ça sonne comme la lèvre d'un devant. De la violette et rare qu'on assassine, signe, signe. Pense à dire du bien, Charles Trenet. La bas de la gaine me fait sortir le grand je t'aime. Chili con carne, pourquoi tant de haine? Cher le guili guili, coucou de contrebande. Ça sonne comme l'aile d'un grand. C'est le Rio Grande. Ça sonne comme l'alba d'underground. Ça sonne comme l'alba d'underground. À l'époque. Ça, c'est en 89. Ouais. À l'époque, Denis Arcand vient à Paris pour faire Les éclats d'Empire américain. Pour Jésus Noël, parce que c'est une coproduction française. Ok, ouais. Donc, il vient chercher les acteurs de la coproduction. Oui. Et le personnage que cherche Denis Arcand est un Français qui serait d'origine ashkénaze, qui est, d'après ce que Denis m'a expliqué après, un personnage qui a vraiment existé, qui s'appelait dans le film Jerzy Strelitzky. Je cherchais un petit mec un peu brun, comme ça, un peu style Polanski, style machin. Donc déjà, physiquement, je correspondais plus à ce que j'étais en concurrence avec Martin Lamotte et Patrick Bouchitet. Mais Patrick Bouchitet, il a un physique très inquiétant au départ. Lamotte, il est city parisien, quoi. Pour moi, en fait, dans l'ambiance. Et moi, ce qui me plaisait bien, c'est que j'étais... J'ai pas une gueule de salaud, comme il nous l'a dit. Donc c'est encore mieux. Et j'ai trouvé cette attitude assez anglo-saxonne, quoi. Il fallait aussi quelqu'un qui puisse parler en anglais aux gens dans les scènes. Donc, et puis il a bien aimé mes essais. Et puis comment c'est de travailler avec Denis Arcand? Donc j'ai été pris. On m'a fait venir à Montréal. Et le premier jour, Catherine Wilkening, il y a Denis Arcand qui s'approche de moi et il fait « Tu t'approches de Catherine et tu lui fais bain la baboune. » Oui, c'est pas vrai, ok. Alors, je suis allé voir l'habilleur, le Jason Calois, qui était marié à une Québécoise. Ça veut dire ça. Baboune. Il m'a expliqué. Et après, à l'hôtel, il détestait tellement les artistes à l'hôtel canadien-anglais que je me suis mis. Je suis allé chez Pierre Desrochers, que tu connais. Bah oui. Qui est un pote. Et le soir, je notais tout et je lui disais. Alors aujourd'hui, Monique Moulin, elle m'a dit ça et ça, parce que comme je m'appelle Bergman, elle est venue me voir, Monique Moulin. Elle a parlé à toute vitesse, mais en joie, vraiment. Elle m'a parlé en joie. Là. Je ne comprenais rien. En plus, je venais de fumer. Moi, là. Et il m'a. Voilà, et ça s'est très bien passé. Ils étaient vachement contents de ce que j'ai fait. Sauf que quand je suis revenu pour travailler pour Michel Pagliaro, grosse lesbienne à la douane, elle m'a fait passer à la... Ouais, au contrôle. Non, au contrôle, voilà. Oh, oui. Et j'ai dit à Michel, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont tous là? Pourquoi ils font tous la gueule, même dans les trucs macrobiotiques? Et mais Boris, tu te rends pas compte? Tu joues le rôle d'un salaud dans Jésus de Montréal, ils sont persuadés que t'es un salaud. J'ai dit, non mais attends. Je savais que j'attraperais froid avec votre... Tu veux pas un café, quelque chose? Oh non, merci. Non, non, j'ai un pain. Merci. Donc, putain. Je... Et même, j'ai dit, mais Jacques aussi, il fait le... C'est pas vrai. Attends. Parce que Catherine Vilkenig, elle habite dans le quartier. J'ai cru que c'était elle. Et là... Jacques aussi, jour d'un salaud, etc. Oui, mais lui, il a fait des shows, etc. Et à la première au Festival de Cannes, Yves Jacques, moi, on était en bout devant tous les salauds étaient à... Et il y a même une très belle asiatique québécoise, enfin canadienne en tout cas, qui est venue me voir, qui m'a... J'ai bouffé en face d'elle, elle m'a dit « Ah, vous êtes quand même bien plus sympathique dans la vie ». J'ai dit, mais attendez, hey, oui, c'est ça. Il faut faire une sphère. C'est un rôle quand même. Hein, là. D'accord. J'ai le nez, tu vois, j'ai le nez qui... Ouais, c'est ça d'être vieux, Franck. Le nez est... Ah Franck. C'est moi, les... tu vois, j'ai le nez qui... Bon, je voudrais un café allongé. C'est aussi la production. Je savais que tu allais dire ça, j'avais prévu. C'est je savais que c'est devenu la cause de mortalité au-dessus de l'alcool et de la cigarette à Paris pour les enfants bas âge et les personnes. Ouais, les enfants bas âge, c'est pas grave. Ils s'en rendent pas compte, mais c'est de pire en pire. Ils n'ont pas le temps d'avoir des regrets. Bon, donc voilà, oui, ça a été une très belle expérience. Il y a un mec qui est Rémi, merde. Ah! Un comédien? Oui, hyper connu. Ah oui, oui, ok, qui a joué dans le thème d'Appel américain. Oui, ok, ok. Oui, oui, qui est dans tous les films. Rémi, merde! Oui, attends un petit peu, là. Moi aussi j'ai un blanc. Rémi Martin, Rémi. Non. Voyons. En tout cas, il est au moins dans 3-4 films à chaque année. Il est dans tous les films. Ah oui, c'est ça. Oh, il a fait ce film génial qui se passe à Miami. Oui, qui est grassouillé. Oui, un peu. Oui. Oh, oui, oui, oui, oui. Et lui, il a été, ça a été mon ange gardien. Ah oui. Parce que quand je fais la scène, je fais quand le mec commence à avoir des pétoches parce que l'interbuto casse tout. Rémi Gérard. Et là, il était derrière la caméra puis il me faisait. Comme ça, il me fait. Je le refaisais. Et il a été, on a tourné au théâtre, je me rappelle, la scène où il casse tout, on a tourné au théâtre à Félix Leclerc. Il a été formidable. Beau souvenir. Et le cinéma, est-ce que tu es encore attiré? J'ai fait un long métrage pour Studio Canal qui s'appelle Romelu Gianicchi, qui est une évocation un peu road film. Sur 10 ans de ma vie avec Bachoun. Je fais l'acteur lundi avec Patrick Chenet. Je joue d'un russe qui veut tuer Poutine. Écoute, écoutes-tu les chroniques de Chenet sur France Inter? Non, Patrick Chenet, l'acteur. Oh, Patrick Chenet, oui, c'est ça. Il fait une chronique le matin. Je ne savais pas. Ah oui, oui, oui. T'en sais plus que moi, tu vois. Ah oui, mais je l'ai écouté tantôt, c'était la dernière émission. Donc, J'ai fait des clips, j'ai réalisé des courts-métrages, j'ai essayé d'avoir plusieurs vies dans la même, tu vois. Parce que non seulement j'ai été Mickey à travers les siècles, mais en plus de ça, comme un jour mon prof d'arts martiaux m'a dit que j'étais... Mais c'est marrant parce que je suis retourné au Québec pour travailler avec René Dupéré, l'album d'Élise Vell, quand j'ai mis une chanson d'ailleurs dans le Cofrax, là, tout ça. À l'interne, c'était Nathalie Bibot, la productrice qui m'avait contacté à l'époque, qui était un peu l'ange du projet. Ah oui. Ouais. Et que ça te donne? Ben parce que des trois albums, des trois disques. Non, moi j'ai fait un album qui s'appelait La Belle est dans ton corps. Ok. Et mais elle travaillait avant avec Élise Vell et des trucs miraculeux, quoi, comme cette chanson que j'ai écrite il y a 37 ans pour Noël Cordier, qui ressort au Québec, qui devient l'hymne des étudiants, qui s'appelle Mon cœur pour te garder, qui devient un succès par Amélie Veil. Et voilà, bon, c'est un peu les billards à trois bandes en permanence. C'est bien, c'est des rencontre comme ça. Mais je te disais au début, tu as eu 1000 vies. Pourquoi autant de branches à ton âge? Écoute, le hasard étant, je crois de plus en plus que le hasard est le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer. Je sais pas du tout. Tu veux toucher à tout? Non, il y a que les Français qui pensent ça. Quand j'ai tourné dans Lune de Fiole de Roman Polanski, Roman a dit à Peter Coyote, tu sais, il écrit des chansons. Quel film, hein? Et le mec, au lieu de me dire, ah bon, qu'est-ce qu'il fait là? Il est allé chercher sa guitare. Il y a qui signe, t'as pas le droit d'être... Sam Shepard, il a le droit d'être dramaturge, il a le droit d'être acteur, chanteur. Ici, on n'accepte pas. Moi, je peux même t'annoncer que je viens d'adapter des poèmes d'Israël Horowitz, que je vais adapter des pièces de théâtre, que j'ai une pièce de théâtre qui risque de se donner en Angleterre. Quelle heure il est là? Comme je suis. passe la douane avec Eddie Bambel l'après-midi. Je brûle un cierge à Saint-Denis, d'avance merci. Je rêve tout haut sur une grande échelle depuis que le pont qui casque. Pas de nouvelles, nouvelles vagues, l'année dernière à marée basse, elle a tellement plu qu'elle est encore toute mouillée. Elle est encore toute mouillée, tellement beaucoup qu'elle a plu. Mistinguette, Mitchell, mes raisins, les yeux fermés, j'achète. En dépit des French cancans, j'en fais des kilomètres. Elle m'a plaqué, oh, pas de quartier dans le quartier. Les escaladors sont-ils vraiment ce qu'ils étaient? Elle a tellement plu qu'elle est encore toute mouillée. Elle est encore toute mouillée, tellement beaucoup qu'elle a plu. Passe la douane avec Eddie, je prends soin du canari. Je vois le poisson rouge deux fois par jour, il te reste fidèle. Joyeux Nobel et encore bananier. J'annule la manicure, ça lui fera les pieds. Elle a tellement plu qu'elle est encore toute mouillée. Elle est encore toute mouillée, tellement beaucoup qu'elle a plu. La douane avec Eddie Bambel l'après-midi. Je brûle un cierge Saint-Denis d'avance, merci. Je rêve tout haut sur une grande échelle depuis que le pompier casse. Pas de nouvelles, nouvelles vagues, l'année dernière en marée basse. Pas les yeux dans les poches, il revient le temps du muguet. Pas les yeux dans les poches. Avec les moutons, y'a pas de mai. Y'a pas de mai. L'anguille sous la roche. J'ai tous les noms sur mon cahier. Tout y est. Antoine et Cléopâtre se sont revus. Je l'ai su. Je l'ai su. Hello, Mayo. Encore. Dit à la vache, elle joue du corps et qu'elle se lève très à l'aise. Et c'est parti de chasse, mon kiki, je te la corde raide. Corde raide, l'anguille sous la roche. L'ennemi a milkshake à la fraise. Vive la fraise. On a repris le pont d'Arcole. Pierre en plein vol, pas vol. Froid au maillot, nous cajole. Deux ou trois heures de vol, je raffole. Oh. Errance rénaldienne sur CKRL-NF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagnon. Waterloo, Waterloo, morne pleine, un train part sans crier gare, il pleut des cordes sur ma guitare, te souviens-tu du Merlagard? Les dents de l'amour sont impénétrables. Scarabée, scarabée, sergent de fer, n'avoue jamais Nevers, Nevers. Waterloo, Waterloo, Waterloo. Le haut, les rognes 1515, jusqu'au méga province, avant que Monseigneur ne passe. Avant que ma fusée d'enchaîne, d'asperges, la mer calmée, mélodie sous-cutanée, petit rondeur désappointé, résultat le monde est dépeuplé. Pas de beaux yeux, salsifie, falsifié, des chefs et des litres à volonté, Jésus sait plus où il prêche, Schubert attend l'ouverture de la pêche, Waterloo, que d'eau, que d'eau, Waterloo, si l'on pouvait éviter les astuces du style, encore est-il fallu que Peggy le sue, au nom du père, au nom du fisc, ignominie patrice. Prochainement sur nos écrans. Brandis le cognac, on va opérer. On va opérer. Waterloo, Waterloo. Morne pleine. Waterloo, Waterloo, Marne pleine. Waterloo, Lou, Lou. Waterloo, Waterloo, Lou. Très bien. Franck, est-ce que je peux avoir un café allongé, s'il te plaît? Tu veux rien boire d'autre? Tu veux prendre encore un autre? Non, non, merci. Donc je suis content. Écoute, la vie est courte. Si je peux en avoir plusieurs dans la même, c'est bien. Puis en plus de ça, quand le gentil critique des Un Rock est venu dire « Ah ouais, mais entre Dalida et chacun de mes Saint Place et... » Et Prodigy, où est l'unité? Alors j'ai dit, me forcez pas à faire comme Louis XIV. L'État c'est moi, l'unité c'est moi. Non. D'abord, c'est vrai que le rock a toujours été ma musique de prédilection et le reste encore. D'ailleurs, je travaille pour plein de petits groupes de rock que j'ai réussi à glisser, comme Newton, qui ont fait le medley, qui ont accompagné Carla Bruni dans le show avec ma frangine. Il n'aime pas que je dise ça, mais son fils a fait un groupe qui s'appelle Sutcliffe, pour lequel j'écris. Ils ont fait la version du plus probable Café Noir. Et moi, c'est aussi grâce à ces gens de la nouvelle génération que je suis. Et j'ai pas de petits biscuits. Ah oui, je ne savais pas que c'était pour toi. Il n'y a pas de petits biscuits. Il n'y a pas de petits spéculoos. Il n'y a pas de... Est-ce que... Non, mais j'aime ça. Non, mais c'est ton côté enfin, hein? Ton côté ludique. Écoute... Heureusement qu'on peut rire encore. C'est la seule chose qui est gratos. C'est pour ça que je veux partir d'ici, parce que tout le monde fait la gueule. Écoute, je suis la preuve vivante qu'on peut faire des trucs qui fonctionnent en se marrant. Oui. Oui. En se prenant pas au sérieux? Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas surdimensionné quand on fait des succès et qu'on réécoute ça, on prend un taxi, on entend une de nos chansons et le chauffeur de taxi te dit hey, « ça c'est bien, ça c'est extraordinaire » Peut-être que tu es trop gêné pour dire « c'est moi qui l'ai... » l'humilité, ça vient d'où? Comment tu... C'est pas d'humilité, c'est que moi, j'ai le chromosome mémoire de mes... Ah, voilà. T'en veux un? Non, merci. C'est bon, hein? Bah, j'en doute pas. Allez, vas-y. Alors, je t'explique. J'avais une grand-mère du côté de Moldavie. Elle était un peu sorcière. Et un jour, elle a dit au mec, les Cosaques vont arriver dans quelques jours pour faire le pogrom, je le sens. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Elle est partie dans la forêt avec sa famille. Tant mieux, parce que sinon, je ne serais pas là. Je serais en train d'interviewer quelqu'un d'autre, j'ai dit tout de suite. Et après, ils l'ont écouté quand même, la vieille. Donc, j'ai été un peu élevé avec l'idée que j'ai ma valise qui est jamais très loin, que demain, je peux avoir à tout recommencer. J'ai très vite compris qu'on n'est pas dans un pays comme le Japon où tu deviens trésor national, où Adamo peut revenir chanter Tombe la neige en version japonaise, il aura toujours du monde, même si, voilà, il aura. Ici, non seulement tu remets ton titre en jeu, pas tous les jours, deux fois par jour, on t'attend au tournage. Que plus tu fais du succès, plus la fois d'après. On t'attend au tournage, quand je te dis. Mais oui, c'est mais avec du matos hyper sophistiqué de nos jours, quoi. Avec une arme terrible, qui est Internet. Et toi, t'es contre les nouvelles technologies? Je suis contre les nouvelles technologies quand elles viennent se mettre en porte-à-faux par rapport au rapport humain. Bien sûr que quand Amélie Veil m'a envoyé de Montréal la première fois où j'avais mon iPhone et mon casque COS, où j'ai pu dans le train brancher dans le cul de mon iPhone la musique et faire le texte entre Avignon et Paris, j'étais ravi. Avant, je ne pouvais pas faire ça. Mais quand tu n'as pas la musique des mots, quand les gens prennent un rendez-vous, je dis, mais attends, appelle-moi. Tu peux lundi, non, je peux pas lundi, mais comme on a fait ensemble. Et sinon, c'est 10 mètres pour toi. Puis moi, je suis... Donc, oui, je suis contre ça. Et puis, en plus de ça, regarde, j'ai corrigé deux fois sur Internet. Tout de Fugain, c'est resté. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand même... Je considère que le mail, dans bien des cas, est la poste des lâches. Que comme t'as pas la musique de la voix, même mon avocat, elle m'envoie un truc, je dis, vous allez me redire exactement la même chose, mais avec la musique de votre voix. Et là, je comprends. Quand je lis, je comprends pas. J'arrive pas à lire un mail. Quand ce truc est vachement long, tu n'arrives pas. Fais chier. C'est pas beau. C'est immense, pas beau. J'ai 10 questions de la fin. Oui. Si tu étais un liquide. Comment? Si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide, qu'est-ce que je serais? Alors, je serais l'eau d'un glacier en Sibérie. Parce que c'est avec cette eau-là qu'on fait la bonne vodka, tu vois. Ah oui, oui, oui, oui. Parce que au Québec, comme en Russie, il y a des bouleaux. Le bouleau, c'est l'arbre russe. Et l'eau, elle est filtrée par les bouleaux morts dans la rivière. Et je sais que l'eau, je sais que si j'étais un liquide, si j'étais cette eau des glaciers, je serais transmissible, puisque à un moment ou un autre, quelqu'un qui va se taper une bonne vodka sibérienne, il va me boire un peu. Tu aimes la vodka? La bonne, oui. Bonne. Est-ce que tu bois moins qu'avant ou... J'ai jamais bu beaucoup. J'ai bu de façon ponctuelle. Mais attention, des vrais muflés de Cosaque. Pavel Longhine, le metteur en scène russe, m'a pris pour un petit Français. Il me faisait boire de la vodka. Et comme il y avait des Georgiens, ils toastent. Si tu toastes pas, tu es un mal élevé, comme sont les Corses de la Russie, tu risques même de te retrouver avec les pistolets dans la boîte. Toi. Et ils me faisaient, ils ont cru qu'ils meurent, c'est eux qui étaient nazes et c'est moi. Non, mais non, moi j'ai plutôt été à une époque, j'ai plutôt été fumeur de pétards. Ouais. Ça c'est dans les années 80. Ah oui, mais ça a duré assez longtemps. Puis j'ai. Plus maintenant. Bah, c'est devenu moins systématique. Okay. Parce que il y a beaucoup de d'amis à moi qui sont partis. Tiki Olgado. Je travaillais sur une musique de Paul Ives, avec lequel j'ai fait certains textes du Gainsbourg en anglais. Et j'étais en train de travailler sur sa musique, j'avais sa voix, et puis j'avais quelqu'un d'autre qui m'annonçait qu'il était mort de l'autre côté. Ça, c'était fait pour être mieux, c'était pas fait pour être moins bien. J'ai flippé. Mais appelé les pompiers, hein, tellement j'ai fait. Bon, donc après, j'ai dit, ça va être, je vais espacer. As-tu peur de souffrir de l'Alzheimer ou de ces maladies que tout le monde... Tu veux savoir quoi? Non, est-ce que tu crains parce qu'on connaît des gens dans notre entourage qui... Bah écoute, c'est un peu ce que j'essayais de te dire tout à l'heure, quand tu me demandais ce que je pensais de ce coffret. C'est-à-dire que j'ai été obligé de réécouter les chansons, donc de repenser à des gens qui ne sont plus là. Et comme je le dis, il y a eu beaucoup de larmes dans la poussière. Énormément de larmes dans la poussière. Je ne sais plus, il y a quelqu'un qui me disait « Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'écouter Gaby maintenant ?» Je disais « Bah écoutez, quand il ne fait pas beau, j'entends les guitares de Patrick Tison. » Parce que Cizon, qui était le premier guitariste de Christophe, qui a joué dans Gabi et qui est mort très jeune, parce que lui, il fumait comme un pompier. Donc le crabe, il l'a eu au poumon. Et oui, ça a été... Sur cet album, en dehors de Bachou, il y a Anthony Quinn qui n'est plus là, Mastroianni qui n'est plus là. Comment ? Dalida qui n'est plus là. Bon, les choix sont faits, il n'y a pas un titre de Richard Anthony dessus, mais bon. Il y a des choses, on n'a pas eu le temps, on n'a pas. Les droits étaient un peu. Difficile à obtenir. Oui, non, mais c'était long parce qu'on ne retrouvait pas. Donc, j'ai pas pu mettre de titre de Sophia Loren, j'ai pas pu mettre de titre que j'ai fait avec Ricky Lee Jones. C'était un peu. Oui, mais c'est vrai que. Non, parce qu'on n'aurait pas pu tout mettre de toute façon, il y a 63 chansons et demie. Ce n'est qu'un arrosoir. et six clarinettes. Laisse-moi faire un canard. Cuisine-moi un kitchenette. C'est la fée du hasard. Alors j'ai pas beaucoup dormi. Et Anna? Où est Anna? Anna. Eh bien, Anna, elle est sortie. Non, non, t'en fais pas. Tu verras, elle ne va pas tarder. Il fait bon dehors. Il a un ciel plein de toiles. La nuit est si belle. Il faut bien qu'elle en profite un peu. Au fond, tu sais, elle reste toujours enfermée avec moi. Mais il va pas tarder. Crois-moi, elle va pas tarder. Pourquoi? Toi, tu penses qu'elle va pas revenir? Je suis sûr qu'elle reviendra. Elle reviendra parce que tu vois, il ne serait jamais parti sans prendre ses chaussures, son briquet, ses poupées de chiffon, sa valise. Sa valise. Il faudra bien qu'elle revienne. Et puis tu sais, il a laissé ses clés sur la porte. Tiens, je crois bien que c'est elle. Va pas revenir. Pourquoi? Tu sais bien qu'il n'y a pas un mot de vrai dans ce que j'ai dit, hein? Tu sais bien que ça fait plus d'un moment qu'elle est sortie. Ça fera un mois et demi aujourd'hui. Il ne faut pas compter sur elle pour revenir. Dehors, il pleut de cordes, et tu le sais. Dans le ciel, pas la moindre étoile, et tu le sais. Comme tu sais qu'elle ne reviendra plus. Jamais plus. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Toi aussi tu me laisses. Je comprends. Tu sais que plus rien n'est vrai, alors tu me laisses. Je t'en prie, reste avec moi. Ce n'est plus qu'une question de minutes. Reste avec moi, moi, jusqu'à son retour. Tu sais bien qu'il ne va pas tarder. Il fait si bon dehors. Elle reste toujours enfermée avec moi. Et puis, il a ses chaussures, poupées, toiles, briquets, valises. Sa valise. Alors il faudra bien qu'elle revienne. Pourquoi? Je ne pense pas qu'elle va revenir. Elle va revenir. Elle revient. Je sais qu'elle revient. Elle est là, elle revient. Elle revient. Bonjour, Anna. Tu additionnes, tu multiplies les petits câlins anonymes. Et les cartouches tout en douceur, mélusine. Si tu savais ce qu'il faut dire pour la faire mouiller la machine. Je m'allume et je passe sur Manuel. Sur tes lèvres comme un lipsis. Et tu caresses ton personnel pour éviter que les mains ne causent. Laisse pas tomber comme ça l'épine, ça ferait ton peine à rose. Pourquoi veut-il, grand Manitou, que le

refusait de me. Perle Harbour, Captain prend la Nemo. C'est pas uniquement un bruit qui court. Souris danser, noter greffier. Le chat veut finir en beauté. Valérie ne cache une rite, lézard poigné de bruit. Mona Lisa suit le guide. Tu me fais croquer, fromage râpé. Le chat veut finir en beauté. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.